Judaism's not compatible with Judaism. The hijacked faith, the state is misrepresenting. Israel equals displacement and ethnic cleansing. I know I'm on a list for being more verbal. Curse every Zionist since Theodore Herzl. Balfour was not a wise man. Shame on Rothschild. Between them, the monster they created has gone wild. انتوا بتشعروش بالبطولة لو حثتكم بحجر حجر الانسحاب من العراق مثل جراد فات جم خراب غاب فيش عقاب كم من تم كتم كم من ام هدم حريتي بتبدأ لما اخذها يدفع التمن سيد القاضي انظر اليه افتح دينيه كم من دليل يصرخ عليه اترك المطرق اعطيني حرياتي واربط Tears to laughter, our children don't fear disaster. Living near the master, clear the fastest, hear the casket. We rap when we die from bombastic talk. Looms after hot summer days in the thunder blaze. They murk your dreams like Theodore Herzl screams in the UN in 48. Third intifada for mother's daughters, sons martyred and empty fathers. حق عودة وبس مجتمع كامل بالحبس رصاص ضرب وضرب المطر كبس وكبس النفس لكن قطع حتى الطفل انرفس ست حدود محدين تشيل الطير من القفص روح طير طير يا عمي روح انت دمي حياتي وقلبي معك هيدا زنبي ناطر بس المهدي وعيسى أن يأتي والأمل الوحيد اللي صفى هو ربي با این که تو تلویزیون و همش میشینن دروغ میگن داشتم اخبار میدیدم که چطورا جورا رو بچه ها و عشقای مادر ها رو زمین میریزن بچه ها شیرینن نشونش رو بچه ای که تازه یاد گرفته را بره و دستشو میگیرن پر کرد بعد تیری زن جم وقت پیش صحنه های شبیه اینو تو چند قدمی میدیدم اه دارم چی میگم La jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on a le plaisir de justement avoir avec nous une camarade du CSPCL. Et l'idée, c'était qu'elle nous reparle un petit peu de la situation actuelle au Chiapas, qui s'est beaucoup dégradée dans les années passées, dans les mois derniers. C'est une situation qui a été évoquée notamment dans les derniers communiqués zapatistes, mais également quand on a eu la visite du CNI, de membres du Conseil national indigène, il y a quelques mois, l'année dernière. Du coup, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur où est-ce qu'on en est au Chiapas et peut-être revenir sur le contexte il y a quelques années Oui, et bah écoute, c'est vrai que les formes de la répression, en fait, n'ont jamais cessé depuis 1994, mais se sont beaucoup modifiées. On se souvient, donc je dis 1994, juste après le soulèvement zapatiste, des moments où c'était de la répression militaire, c'est-à-dire l'armée avait été envoyée là-bas, on disait le Chiapas a été transformé en caserne, ce qu'on dit de nouveau beaucoup maintenant, hein, parce que la militarisation, c'est toujours une réalité. Mais avec le relatif retrait des soldats, a suivi une période de groupements paramilitaires dont on sait a posteriori et dont on pouvait déjà dénoncer en partie sur le moment qu'ils étaient alimentés par l'État. C'est pas des groupements qui se sont formés spontanément tout seuls comme ça. Donc c'était une forme de répression. Là on parle par exemple du massacre d'Acteal en 97. Et puis progressivement, au fil des décennies, effectivement, quand on parlait répression, c'était plutôt présence de soldats qui, entre guillemets, ne font que passer, même si, effectivement, passer avec une arme en pointant les gens, c'est toujours menacé d'autre chose. On parlait de programmes qui semblaient être des programmes sociaux, donc de distribution d'argent ou de nourriture à des familles pauvres, mais à condition qu'elles sortent de toute organisation politique. Donc tout à coup, le Chiapas s'est trouvé comme ça, couvert de programmes sociaux, et d'une frénésie d'aide matérielle à toutes ces familles pauvres qui, semble-t-il, n'étaient pas pauvres avant le soulèvement. Et donc là, on peut documenter de manière assez claire le but, la finalité de ces programmes qui était en fait de faire sortir les gens des mouvements organisés, que ce soit le mouvement zapatiste ou les autres formes d'organisation qui existent au Chiapas, et ça allait plus loin que ça, hein. C'est-à-dire il s'agissait parfois de faire rentrer des familles dans ces programmes, de les affilier à des partis politiques particuliers. On voit là-bas des maisons qui sont peintes aux couleurs du PRI, donc du parti politique qui a été très très longtemps le parti unique, du Partido Verde, du PAN, et donc toute cette manière de recruter, de créer des réseaux un petit peu de clientélisme, ça visait parfois extrêmement clairement à couper le lien social, puis à monter les gens les uns contre les autres, hein, avec des affirmations du type « votre village pourra bénéficier d'eux si les dernières familles organisées, que ce soit zapatistes ou autres, quittent le village ou quittent le mouvement ». Donc ça générait des violences assez fortes. Et ce qui est nouveau, ce qui vient s'ajouter à ça, puisque les choses forment des couches les unes au-dessus des autres, mais ne s'annulent pas, il y a encore aujourd'hui des militaires au Chiapas, et même plus ces dernières années. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, ce programme pour faire ouvrir des distributeurs de billets dans beaucoup de localités. Donc sous prétexte de donner accès aux services de distributeurs de billets, les gens n'ont plus besoin d'aller jusqu'à la grande ville pour ça. On en construit partout et... les distributeurs de billets doivent être gardés par l'armée. Donc, introduction d'une présence supplémentaire de l'armée. Tout ça existe encore et de plus en plus. Mais en plus de cela, se développe ce qu'on a coutume d'appeler au Mexique les narcos, donc le crime organisé, qui s'implante de plus en plus, effectivement depuis plusieurs années, mais avec une forte accélération, disons, depuis... 2020. Avant ça, mais forte accélération ces derniers 3-4 ans. Alors de quoi on parle quand on parle du crime organisé, puisqu'on dit narcos, mais en fait c'est toute une série d'actions criminelles qui au Chiapas se sont d'abord implantées au niveau de la frontière, autour évidemment des problématiques migratoires. Le Mexique, c'est un corridor par lequel passent beaucoup de personnes sur leur parcours d'exil vers les États-Unis, ou en tout cas visant les États-Unis, soit en provenance de zones de guerre où vraiment il est difficile de survivre, soit en provenance de zones contrôlées par des cartels, par les narcos, qui rendent difficile parfois de vivre, de survivre, ou de survivre sans rentrer dans les cartels. On a vraiment des familles qui partent parce que si leurs jeunes adolescents ne rentrent pas dans le cartel, ils vont se faire massacrer. Et donc ils choisissent l'exil plutôt que le massacre ou l'entrée dans le crime organisé, ou simplement des migrations qui sont plus d'ordre économique, mais bon, là aussi il s'agit quand même d'enjeux de vie ou de survie. Dans tous les cas, effectivement, ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui circulent et qui passent la frontière du Guatemala au Mexique. Les traités avec les États-Unis font que la frontière est ultra défendue des États-Unis contre les migrants venant d'Amérique latine et de plus en plus délocalisée au Mexique. Et délocalisée, surprise, ça veut dire comme d'habitude une introduction du crime organisé et d'exactions contre ces personnes sur leur parcours d'exil. Concrètement, dans le sud du Chiapas, enfin dans l'est, sud-est, à la frontière avec le Guatemala, ce sont deux cartels, Jalisco Nueva Generación et Cartel de Sinaloa, qui s'affrontent. C'est toujours comme ça, hein, puisque un cartel, bien sûr, commet des exactions, etc., mais c'est l'affrontement entre plusieurs pour prendre le contrôle sur un territoire qui fait souvent énormément de dégâts, en fait. Et du coup, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur un peu les différents niveaux aussi de gouvernement au Mexique, comment justement narcos et différents niveaux de gouvernement sont un petit peu travaillent un petit peu ensemble entre guillemets, ou du moins il y a une impunité qui règne par rapport à tout ça, et donc du coup concrètement aujourd'hui vivre au Chiapas en termes de voilà de vie quotidienne, de qu'est-ce qui se joue aussi pour les communautés, comment ça se passe? Oui, alors d'abord sur les niveaux de gouvernement, les zapatistes parlent toujours des trois niveaux de gouvernement. Ce qu'ils veulent dire, c'est donc le niveau fédéral, ça c'est le Mexique en entier, le niveau de l'État du Chiapas, et le niveau des municipes. Alors, le problème, ça aura échappé à personne, hein, du crime organisé et des cartels au Mexique, il existe au niveau fédéral, et d'ailleurs les cartels qui viennent s'implanter là viennent d'autres endroits au Mexique. Ils ont été très actifs dans le nord avant de descendre vers le Chiapas. On en parle peu, mais un des documents qui a fuité au moment de ce Mexico Leaks semble montrer que, au moins pour certaines personnes au niveau du gouvernement fédéral, il y a effectivement une volonté de laisser s'implanter les cartels au Chiapas pour contrer les mouvements d'organisation politique des indigènes. Donc ça veut pas dire que c'est eux qui passent des coups de fil en disant « allez-y », mais ça veut à minima dire qu'ils laissent faire, exprès. C'était quoi ces MexicoLeaks, je serais plus Donc c'était dans toute cette série de WikiLeaks, il y avait eu une sortie de documents qui émanaient du gouvernement et des différents ministères mexicains, dont je crois l'objet était tout autre. Hein. C'était une affaire qui concernait le président que j'avais pas suivi de près puisque ça concernait pas du tout le Chiapas, mais un de ces documents au passage portait sur la sécurité au Chiapas, les techniques de répression ou de gestion du mouvement, est-ce qu'on laissait faire ou pas. D'accord. Et donc effectivement, ça n'avait pas fait grand bruit puisque c'était pas du tout l'objet de la fuite politique importante sur telle personne politique. Mais c'était quand même bien là. Donc au moment où on se demande les niveaux de gouvernement et leur rapport avec ça, y compris au niveau fédéral, il y a un rapport. Au niveau de l'état du Chiapas, il est difficile d'en douter puisque c'est là que se produit vraiment l'implantation. Je disais qu'on partait de la frontière, mais aujourd'hui, soit les cartels, soit des groupes qui commettent des exactions et qui leur sont liés, comme Los Motonetos, qui sont implantés au marché nord de San Cristobal, donc c'est pas un cartel, mais c'est des gens qui commettent des exactions pour les cartels, ils sont là, ils sont implantés jusqu'en ville, San Cristobal de Las Casas, c'est donc ce qu'on appelle généralement la capitale historique du Chiapas, donc c'est pas la plus grande ville, c'est pas Tuxtla, mais c'est une ville assez grande, très touristique. Et encore aujourd'hui, hein, y a beaucoup de tourisme là-bas et on peut y passer sans se rendre compte de tous ces problèmes-là. Sauf que régulièrement, pour des habitants de San Cristobal par exemple, ça peut vouloir dire tout à coup une espèce de couvre-feu informel parce qu'il y a des fusillades en ville, parce qu'il y a des règlements de compte. Essentiellement dans ce qu'on appelle les colonias, donc les quartiers plutôt périphériques, avec un habitat moins riche, plus précaire, enfin des gens pauvres et plus indigènes. Et donc là, des règlements de compte, mais c'est difficile de comprendre le détail puisque des règlements de compte, c'est parfois entre des groupes qui commettent des exactions, très souvent au détriment d'autres personnes qui habitent à côté, qui peuvent se trouver soit pris entre deux feux, soit supposées affiliées à, soit dans la nécessité d'être recrutées par, donc ça concerne quand même y compris des gens qui ne veulent pas s'affilier à un cartel. Et parfois, au passage, on a eu au moins un incident très très bien documenté de ça. Donc c'était dans un quartier périphérique du nord-ouest, en l'occurrence de San Cristobal, qui était pourtant pas le plus chaud. Mais il y a une maison qui a été incendiée, qui était une maison d'une activiste politique. Elle a été visée à l'occasion d'un règlement de compte entre des groupes armés. Mais elle a été visée très spécifiquement et d'une manière très dangereuse. Quoi. Si elle avait été chez elle, elle serait morte. Et il y a beaucoup de choses, des papiers, et puis ces possessions personnelles qui ont été perdues. Donc on est quand même dans un attentat à la sécurité des personnes assez fort. Donc ça limite évidemment le rayon d'action de tous les gens qui essayent de construire des mouvements politiques, de protester contre l'accaparement des ressources naturelles, etc., parce qu'ils peuvent être visés par ces groupes. Et après, au niveau du municipe, pour parler du troisième niveau de gouvernement, puisqu'on a dit l'État fédéral, l'État du Chiapas et puis le municipe, ça c'est moins clair. Hein. Il y a des liens qui sont documentés ici et là. On a du mal à savoir si les cartels finalement remplacent certains pouvoirs ou si à certains endroits ils sont affiliés. C'est parfois documenté. Hein. À la présidence de San Cristobal, je ne saurais plus dire les détails, mais il était assez clair que les candidats qui se présentaient étaient affiliés à tel cartel. Donc voilà, parfois il y a des liens, parfois on a du mal à le savoir au niveau des différents municipes. Et maintenant on a parlé en ville, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les communautés hors de la ville qui sont peut-être les plus affectées? Et est-ce que peut-être avant ça tu avais mentionné les motonetos? Et ça, c'est des personnes qui sont en moto, c'est ça, ou c'est ça? Alors oui, on les appelle comme ça parce qu'ils circulent à moto et ils se font remarquer. Enfin, tu vois, quand ça donne une espèce de rodéo armé comme ça qui traverse la ville, y compris le centre-ville un jour de fête, ça fait un truc assez impressionnant. Pas toujours lisible d'ailleurs sur le moment. Mais donc oui, c'est un groupe de personnes assez jeunes qui manifestement commettent pas seulement des vols pour leur propre compte, mais aussi des exactions liées ou pour le compte des cartels à certains moments. Et donc ça, c'est en ville. C'est déjà finalement quand même assez présent dans le quotidien par rapport à ce qu'on connaissait avant. Il faut se rendre compte qu'il y a des communautés qui en souffrent beaucoup plus. À la frontière, on parle d'endroits où les cartels deviennent suffisamment puissants pour aller voir, alors d'abord les commerçants, puis progressivement toute la population, et dire, voilà, vous nous versez un petit impôt chaque mois, chaque semaine, si vous ne le faites pas, vous êtes nos ennemis. Donc concrètement, si vous ne le faites pas, va falloir partir. Ce que nous disait informellement quelqu'un du Centre des droits de l'homme là-bas récemment, c'est qu'en plus partir n'est pas forcément toujours une option, puisqu'à partir du moment où cette territorialisation des cartels a lieu, celui qui part de tel endroit, il est identifié comme venant de l'endroit appartenant au cartel ennemi. Donc il ne va pas pouvoir être reçu non plus. Donc il y a quand même une forme d'emprisonnement où les gens ne peuvent pas sortir, les gens ne peuvent pas dire non ou c'est très risqué, ils disent oui, ils commencent par verser un peu d'argent. Et puis on sait comment on recrute les cartels ailleurs au Mexique. Hein. C'est un mode de recrutement où on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'au début, il faut rentrer ou alors on devient une victime du cartel. Et puis une fois qu'on rentre, on commet une exaction, puis une autre, puis encore plus. Parfois, ça se fait par enlèvement. Et alors ça, y compris en dehors de ceux de la frontière qui sont les plus touchés. Par enlèvement, c'est ça. Le nombre d'enlèvements, le nombre de disparitions forcées a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté dans des milieux plus éloignés de la ville, ruraux ou des petits bourgs. Et quand il y a enlèvement, c'est-à-dire donc ils enlèvent la personne et ensuite ils l'obligent à travailler pour eux ou... Alors c'est des cas assez c'est différents, hein. Ça peut être un enlèvement, une séquestration contre de l'argent, pour extorquer de l'argent. Ça peut être pour faire peur, ça on l'a connu, des défenseurs de droits humains qui sont enlevés un jour, deux jours, trois jours, et en fait c'est quand même clair, le message c'est la prochaine fois on peut aussi vous tuer, on a ce pouvoir-là. Et ça peut être effectivement, on connaît, je ne sais pas si c'est déjà documenté au Chiapas, mais en tout cas on connaît ailleurs au Mexique, des cas où on enlève un jeune, où on enlève en fait beaucoup, ils se retrouvent tous au même endroit, et oui, là, il faut intégrer le cartel et accepter de commettre ce qu'on demande de commettre, y compris parfois sur les co-détenus, ceux qui refusent, ou alors devenir soi-même, ou alors se faire tuer. Ben, merci beaucoup pour tout ça et pour ce panorama-là. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre et si tu peux, on parlera des brigades de solidarité justement pour un petit peu répondre, du moins en partie, à cette situation. Pause musicale. Les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. FPP 106.3, on est de retour avec la camarade du CSPCL, du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On vous a parlé un peu, refait un petit panorama de la situation au Chiapas, qui s'est dégradée énormément depuis quelques années, et ces derniers mois également. Et là, on voulait vous reparler un petit peu d'une initiative qu'on soutient, nous, le comité. Ce sont les Brigades d'observation des droits humains, les BRICOS. Et donc, si tu peux revenir un petit peu là-dessus, tu nous réexpliquer un petit peu qu'est-ce que sont les BRICOS, à quoi elles servent, comment on peut y participer, et voilà, refaire le lien avec cette situation justement au Chiapas, comment ça y répond d'une certaine manière. Oui, alors c'est vrai que cette situation, donc elle impacte tout le monde évidemment, mais aussi les mouvements qui essayent de s'organiser politiquement, puisque une partie de ce que produit la prise de contrôle des cartels, c'est une espèce de désintégration du tissu social. C'est-à-dire les gens peuvent plus faire confiance les uns aux autres, n'osent plus s'organiser. Et donc ça, ça a évidemment des conséquences de dangerosité globale, mais aussi sur les mouvements politiques. Et c'est là qu'interviennent les BRICOS, donc les Brigadas de Observación, c'est les BRICOS, c'est le raccourci de ça, qui elles ont plus vocation à accompagner des groupes ou des lieux qui sont dans le cadre d'un mouvement organisé et qui font appel, qui se sentent menacés dans des tensions grandissantes à un moment et qui font appel aux BRICOS dans ce cadre-là. Donc pas forcément la population en général, même si on ne sait pas, peut-être un jour on pourrait l'imaginer, mais les BRICOS sont plutôt apparus dans ce contexte-là d'accompagner des communautés déjà organisées et qui le demandent. En fait, ce sont les héritières des premiers campements internationaux qui sont apparus, j'allais presque dire spontanément, c'est jamais tout à fait spontané, mais qui se sont organisés en solidarité avec les zapatistes juste après leur soulèvement. Très, très rapidement, ça a été formalisé. Les BRICOS, elles sont coordonnées par le centre FRAIBA, qui est le centre des droits de l'homme au Chiapas, qui est donc un centre évidemment indépendant de l'État, puisque souvent ce qu'ils dénoncent, ce sont des exactions soutenues par l'État. Et ce centre des droits de l'homme, il accompagne les communautés et les personnes de multiples manières. Un des programmes, un des moyens d'action qu'ils ont, ce sont les BRICOS. Donc il s'agit pour des personnes qui viennent de différents pays, ou du Mexique, mais en tout cas de l'extérieur du Chiapas, de se relayer pour être présentes par équipe pendant 2 semaines, ou même un peu plus maintenant à chaque fois, dans des lieux qui en ont fait la demande, et puis d'observer ce qui se passe, c'est-à-dire de servir de canal de transmission d'informations, de documenter vraiment semaine par semaine comment avancent les choses, comment elles évoluent. De servir aussi de présence visible avec une force, on espère, dissuasive, un petit peu de savoir qu'il y a des gens qui sont là et qui vont pouvoir témoigner, en fait, que ça empêche l'exaction de se produire et pas seulement la documenter. Et puis que ça, il y a aussi une forme de solidarité, de soutien moral aux personnes qui sont là, qui sont parfois des communautés petites, un peu isolées, et de sentir ce soutien international de gens qui viennent du monde entier. Parfois, c'est un peu ce qui leur permet de tenir et de continuer à avancer sur leur chemin. Alors, tu me demandais, je crois, concrètement aussi... Comment on peut y participer, du coup, comment le CSPCL aussi soutient ces BRICOS. Alors, tout à fait. Elles sont sur place organisées par le Centre des droits de l'homme, mais en fait, en coopération avec des groupes, avec des collectifs comme le nôtre, qui sont... partout dans le monde, enfin comme toujours on dit ça, ça veut dire quand même beaucoup en Europe et un peu en Amérique, et qui préparent les gens déjà ici. Donc l'idéal, si on a envie de participer à ces BRICOS, soit parce que c'est une manière d'approcher la situation au Chiapas, soit parce qu'on les connaît déjà et qu'on a envie régulièrement comme ça de soutenir peut-être les compas là où ils en ont le plus besoin, dans les lieux qui ont le plus de tensions. Donc l'idéal, c'est de commencer par être préparé dans le pays dont on vient. En l'occurrence, en France, effectivement, le CSPCL, là, depuis quelques années, se met dans une dynamique d'organiser un week-end de préparation au printemps, chaque année. Donc au printemps, parce qu'effectivement, beaucoup de gens partent en été, mais les BRICOS, c'est toute l'année, hein, donc selon vos possibilités et vos organisations. L'idéal, c'est d'y aller, de pouvoir en faire une ou deux, d'assurer comme ça la continuité, d'avoir un peu d'expérience. Et donc on prépare sur un week-end ici, on discute, on vous donne une lettre qui atteste qu'on vous connaît, que vous avez suivi la préparation et qu'on a confiance en vous. Et arrivé là-bas, donc il ne faut pas s'étonner, il y a une deuxième préparation qui est proposée par le Centre des droits de l'homme, avec en partie des points qui se recoupent, sur lesquels on insiste, parce que c'est quand même très important, en partie d'autres choses, peut-être plus pratiques. Après, si vous vivez au Mexique, vous pouvez aussi nous écrire, on peut vous mettre en lien avec des gens qui font la préparation là-bas, depuis le Mexique. Et ensuite, il faut être disponible, bien sûr, un minimum de... En fait, 3 semaines sur place, c'est-à-dire vous allez passer 2 semaines au minimum dans le lieu où vous êtes envoyé, mais il y a la préparation avant, il y a le temps de trajet, il y a le retour, il y a évidemment le rapport qu'on écrit et qu'on présente au retour. Donc il faut prévoir un minimum de 3 semaines sur place, et ça, c'est si vous faites une seule brigade, l'idéal étant toujours, si c'est possible, dans les cas où on peut, d'en faire plusieurs et ainsi de partager son expérience. Parce que la première fois, ben, on est le petit nouveau, la deuxième fois, on peut transmettre à ceux qui justement viennent d'arriver. Mm-hmm. Et c'est vrai que pendant un bon moment, là, pendant la période Covid notamment, donc les caracoles avaient fermé, et du coup la plupart des lieux où il y avait des brigades pendant un temps, voilà, elles étaient plus actives, quoi, on ne pouvait plus y aller. C'est aujourd'hui, quels lieux sont encore ouverts, où est-ce qu'on envoie encore des brigadistes? Alors on est toujours d'une certaine manière dans une phase de transition. Comme tu le dis, il y a eu la période Covid, donc là, fermeture pour éviter la contagion. Et puis depuis, les caracoles n'ont pas vraiment rouvert, hein, puisque en réalité la structure maintenant a changé, donc ce ne sont pas les caracoles eux-mêmes exactement qui vont rouvrir sous la même forme qu'avant. On est toujours dans une phase de réouverture, donc chez les apatistes c'est beaucoup de réorganisation, et même ailleurs, hein, Fraiba le dit, ils réfléchissent au long cours à la mutation progressive, peut-être au changement de ce programme pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Puisque, on l'a dit, un des forts moyens d'action des BRICOS, c'est la dissuasion. La dissuasion, ça marche quand on peut tenir le gouvernement pour responsable. On dissuade pas forcément un cartel en mettant juste 2 personnes venues de France et d'Allemagne à observer. Donc là, il y a des enjeux, il y a vraiment des endroits où ils rouvrent pas de BRICOS, parce que si c'est une forte présence des cartels, ça n'a pas de sens. Ce serait mettre en danger les observateurs, et évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'ils font. Ils ont vraiment très à cœur la sécurité à la fois des observateurs et des personnes sur place. Donc c'est un programme qui marche que dans des cas de tension intermédiaire. C'est-à-dire, c'est pas calme, c'est pas la vie habituelle, on va pas observer la vie zapatiste comme elle fonctionne bien, mais c'est pas non plus la tension où la vie des gens est en danger, sinon on n'enverrait pas des BRICOS. Et donc actuellement, dans ce contexte, ce qui est encore ouvert et qui pour l'instant demeure jusqu'à nouvelle décision, c'est Acteal. Acteal, ils ont un accompagnement depuis 1997, qui est d'une part quelque chose qui demande sans doute, parce que 97, on se dit c'est loin, mais en fait pour avoir été sur place, la trace est encore là. Alors à la fois bien sûr entretenue parce que politiquement ils veulent faire avancer le procès, aller jusqu'à trouver qui sont les commanditaires, etc. Parce qu'on l'a pas redit, mais du coup c'était un massacre qui avait eu lieu en 97, c'est ça, le 22 décembre je crois, 97. Un massacre terrible, hein, de femmes et d'enfants qui s'étaient réfugiés en prière devant une chapelle. C'était pas un échange de coups de feu, quoi. C'était vraiment... Et donc, bien sûr, ils entretiennent ce souvenir parce qu'ils sont dans une démarche de demander réparation, mais aussi, quand on est sur place, on se rend compte que la communauté est toujours marquée par ça, qu'en fait, une génération plus tard, quand la moitié du village, les femmes, les enfants à naître sont massacrés terriblement, enfin, c'est pas quelque chose qui s'efface en une génération. Donc eux, ils demandent toujours un accompagnement. Par ailleurs, c'est aussi un lieu refuge. Il y a des tensions dans la région qui ne sont pas actées à elles-mêmes, mais qui sont notamment à Poyo et dans d'autres des endroits qui sont dans un, disons, un cercle d'une dizaine de kilomètres. Et il est arrivé plusieurs fois ces dernières années que des gens viennent se réfugier à Acteal ou dans les environs en étant chassés par des coups de feu, des tensions qui montent autour. Donc c'est aussi la raison d'une présence là-bas. C'est-à-dire peut-être qu'on va être présent et qu'on va rien voir, mais peut-être aussi qu'on va être présent et que tout à coup des gens affluer d'un village alentour. Donc c'est important de le maintenir. Ça, c'est finalement la version la plus traditionnelle, hein, qui existe encore de ce qu'étaient les BRICOS jusqu'ici. Donc exclusivement de l'observation. Et puis voilà, on est là, on a le droit quand même de papoter avec les gens. Mais en tout cas, le travail qu'on nous demande, c'est essentiellement de l'observation. Le deuxième lieu, qui maintenant commence à exister, j'allais dire nouveau, mais ça fait bien 2 ans maintenant, je dirais, qui a ouvert après le Covid, c'est à Salto de Agua, donc c'est plus loin, c'est à côté de Palenque, et c'est une auberge pour les migrants. Donc dans le contexte de toute cette problématique de route qui passait d'habitude, auparavant, le long de l'océan Pacifique, et qui maintenant traverse de manière plus centrale le Chiapas, donc cette maison, cette Casa de Migrantes leur offre un moment de repos sur leur route d'exil. Et la maison de migrants a fait l'objet à plusieurs reprises de menaces. Donc là, il s'agit aussi d'être observateur de manière un peu plus discrète. Le contexte n'est pas tout à fait le même, donc pas tellement de la même manière de la dissuasion en disant « nous sommes les observateurs et nous arrivons », mais plutôt d'arriver dans une forme de entre volontaire et observateur, de participer aux activités régulières de la maison, d'autant plus que c'est un séjour plus long, c'est 1 mois là-bas, c'est pas 2 semaines. Donc on a le temps de mieux connaître le contexte qui est en ville, qui est un peu plus complexe avec beaucoup d'acteurs, mais on ne va pas rester 1 mois à se tourner les pouces non plus. Et donc voilà, on est en contact à la fois avec la ville autour, avec les migrants, avec les personnes qui accueillent ces migrants, participent aux tâches du quotidien. C'est des histoires qui peuvent être parfois un petit peu lourdes à rencontrer et en même temps intéressantes, quoi. C'est d'autres humains avec leur parcours de vie sur la planète. Je crois que c'est... Voilà, de là où on est, on ne se rend pas toujours compte. Mmh. Même si, évidemment, tout près de chez nous, ce genre de parcours migratoire avec leur lot de drames existe aussi. Elles sont simplement peu visibles, mais tout à fait présentes. Mmh. Et la troisième communauté qui est en train d'ouvrir en ce moment, qui est un projet pilote, là, je crois que les deux premières équipes ont fini leur travail, mais... On est tout récent. C'est un endroit qui s'appelle Cuatro de Agosto, qui est juste à côté d'Agua Clara, donc que certains connaissent peut-être pour avoir fait une bricole à Agua Clara à l'époque où ces familles étaient zapatistes. C'est des gens qui ne sont plus base d'appui zapatistes officiellement. Donc si on se rappelle de leur situation, c'était 4 familles qui étaient environnées par des gens hyper hostiles, tout le temps des coupures d'eau, d'électricité, des gens qui passaient comme ça avec des machettes. Alors bon, c'est normal d'avoir une machette quand on va au champ, mais des fois un peu menaçant. Donc ils sont plus base d'appui zapatiste, mais ils se sont quand même réorganisés entre eux et ils ont intégré le CNI pour rester dans un mouvement commun avec la construction, avec les différentes constructions des mouvements qui existent au Chiapas. Et ils bénéficient maintenant de nouveau de la présence de Bricos, avec cette particularité d'essayer d'exercer en même temps une solidarité active. Donc il y a quelqu'un qui est allé, si j'ai bien compris, avec des connaissances de charpentier pour aider à la construction, quelqu'un d'autre, une infirmière, et donc dans ce cas-là, on est dans l'échange avec aussi les promotores de salud, enfin les gens qui s'organisent en tout cas pour la santé. Et donc là, voilà, il y a cette particularité, puisque les bricots, c'était vraiment beaucoup de l'observation pure, et d'aller vers peut-être une solidarité plus active et un échange en même temps de pratiques. Ce qui peut-être réjouira tout le monde, parce que même du côté Bricos, j'ai l'impression que parfois c'est quelque chose que les gens regrettaient, de ne pas avoir plus d'échanges. Ça préfigure peut-être ce que vont devenir les Bricos au fur et à mesure, mais tout ça est encore en réflexion, donc on va voir venir. Et donc pour des lieux zapatistes, là on attend, on va sans doute parler dans un instant de l'état de l'organisation zapatiste, mais donc on attend la rouverture officielle des autorités. Ils sont en discussion à propos de plusieurs lieux avec Freiba, mais on ne sait pas sous quelle forme se fera cet accompagnement, si ce sera des Bricos qui rouvriront. C'est pas une information qui existe encore. D'accord, très bien. Et du coup, dans les prochains mois, sûrement, restez connectés peut-être à la page du CSPCL ou aux prochaines émissions, parce que a priori, on ferait donc bientôt une nouvelle formation pour ces Bricos. C'est ça, on donnera les dates. Ce sera un week-end en avril-mai. On promet d'éviter les vacances de Pâques cette fois-ci. Donc un week-end qui ne sera pas pendant les vacances. Super. Et du coup, effectivement, pour finir, est-ce qu'on peut revenir sur les dernières initiatives zapatistes? Tu disais tout à l'heure, justement, que les caracoles, c'était plus peut-être les caracoles, qu'il y a une réorganisation de l'autonomie zapatiste, comme un peu expliqué dans les derniers communiqués. Et également, comment ça fait le lien avec ces Bricos, puisque, a priori, il y aurait peut-être des nouvelles façons aussi à venir de s'impliquer ou de... voilà, participer à des choses sur les terres communes. Alors effectivement, les apatistes avaient été assez silencieux depuis le voyage pour la vie. Donc on vous laisse réécouter les épisodes précédents à propos de ce voyage qui a été un voyage des apatistes en Europe. On attendait, en tout cas tous les gens qui ont participé à accueillir ce voyage attendaient très fort le moment où ils allaient nous dire ce qu'ils en ont tiré. En réalité, on comprend bien, avec tout le contexte qu'on vient de décrire au Chiapas, le silence et les autres préoccupations qu'ils ont pu avoir. La grosse reprise de parole, ça a été celle de décembre dernier, avec une série énorme de longs communiqués qui ont annoncé plusieurs choses. En premier lieu, une réorganisation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'au moment de la tourmente, et voilà, je crois que maintenant on arrive à tirer quelques fils des formes que prend cette tourmente au Chiapas, ils ont besoin de se réorganiser pour, disent-ils, que chaque communauté, que ce soit en ville, à la campagne, ils disent rancheria, comunidad, pueblo, lo que sea, donc chaque type de communauté puisse survivre, même si elle est isolée, si elle se trouvait isolée de tout le reste. Donc il y a un retour très fort au local. Mmh. Alors, on ne peut pas dire que les apatistes aient jamais été très pyramidal au sens donner vraiment le pouvoir à la tête de la pyramide, mais néanmoins, c'est vrai qu'avec les juntas de buen gobierno, l'organisation par zone, avec des choses qui se décidaient peut-être beaucoup substantiellement à l'échelle de la zone, il y avait comme ça des formes d'éloignement du local. En tout cas, ils le disent eux-mêmes, ils critiquent ça chez eux. Ils disent les juntas de buen gobierno, ça nous a beaucoup servi, notamment à nous former, puisqu'on envoyait à chaque fois des gens des villages, donc les gens ont appris à se réunir, à rendre justice, etc. Mais il y avait des effets comme ça d'éloignement. Ils étaient déjà dans un mouvement correctif de ça, hein. C'est quelque chose qu'ils voient depuis des années, puisqu'on se rappelle au moment où ils avaient fondé plus de caracoles, il y a quelques années. C'était pas seulement pour étendre le territoire, même très peu, minoritairement, il y a beaucoup de caracoles qui étaient fondés pour simplement faire des zones plus petites, plus proches. C'était déjà une préoccupation. Et donc là, plus fortement de dire, voilà, l'assemblée qui compte, c'est vraiment celle qui décide, c'est l'assemblée du village, on ne va au-dessus que si on doit absolument le faire, et avec des délégués de cette assemblée. Donc pas une instance séparée qui serait la Junta de Buen Gobierno, non, tout se fait par délégation de cette assemblée-là, aux différentes échelles du municipe, puis de la zone. Et donc ils disent ces deux choses, quoi. Vraiment revenir à plus de local parce qu'on s'est rendu compte qu'on perdait parfois le contact, et aussi parce que dans la tourmente, c'est nécessaire que chaque village puisse tenir. C'est ça, que tous les mouvements avant qu'impliquait cette organisation, peut-être que ça rendait un peu vulnérable, mouvement du transport peut-être, ou tout ça. C'est bien possible, hein. Oui, puisque c'est généralement dans les moments de transport, par exemple, les quelques fois où il y a eu des séquestrations, des enlèvements. Alors bon, cela dit, quand même, là, se coordonner entre... c'est toujours à l'ordre du jour de se coordonner entre toutes ces instances, donc il y aura encore des formes de transport. Juste un peu moins souvent, peut-être moins, quoi. Et puis la deuxième grosse annonce, c'est cette histoire de terres communes. Alors, dans un premier temps, ça peut surprendre, parce qu'on se dit, mais attends, les apatistes, les terres, en fait, ils les ont toujours distribuées au sein de la communauté, selon les besoins de chacun. Il y en a toujours eu une partie cultivée ensemble pour les projets collectifs. Donc c'est quoi qui est nouveau dans cette histoire-là ? Et si on va tirer les fils et lire plus loin, on comprend que c'est vraiment une réponse à la situation, celle qu'on vient de décrire, à cette désintégration du lien social, à cette mise en concurrence et en hostilité entre zapatistes, non-zapatistes, etc. Puisque ce qu'ils disent, c'est que cette terre, elle va être commune entre tous les gens qui habitent là. Pas entre tous les zapatistes qui habitent là, entre tous les gens. Donc il va falloir pouvoir s'organiser ensemble, même sans devenir zapatiste, si on veut profiter de ces terres. On n'a pas besoin de devenir zapatiste pour en profiter. Il faut juste s'organiser ensemble pour les cultiver de la manière qu'on estime correcte tous ensemble. Donc, de fait, une fois qu'on se rend compte que c'est ça la proposition, c'est quand même assez intelligent, puisqu'effectivement, les terres et qui a le droit d'exploiter les terres, c'est vraiment le nerf des hostilités qui se déroulent au Chiapas. Donc, de dire, au lieu de considérer que ce sont des terres récupérées zapatistes et que facilement le gouvernement va pouvoir monter les non-zapatistes contre les zapatistes en leur disant ces terres, si vous les aviez, elles seraient à vous, de dire non, vous n'avez pas besoin d'être zapatiste, ces terres. Elles sont là pour ça, pour être cultivées en commun avec nous tous ensemble, y compris vous, non-zapatistes. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Il y a aussi, je pense, des talents dans la mise en application qui sont nécessaires pour sauvegarder la paix dans ces communautés. Mais on voit qu'il y a vraiment une forme de retissage du lien social qui répond finalement assez bien aux défis présentés à la fois par la répression, par les problèmes depuis des dizaines d'années, et spécifiquement aussi par l'arrivée des cartels. Puisque l'idée pour les apatistes, en fait, là, ce qu'ils disent, c'est on peut pas se défendre tout seul. Il va falloir que le lien social entier, y compris autour de nous, résiste à l'implantation des cartels dans tout le Chiapas. Mmh. Parce que sinon, une fois que le cartel s'implante, c'est bien beau d'être apatiste, on est hyper embêté quand même, quoi. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne à suivre, mais effectivement, une perspective assez intéressante, on espère que ça va donner quelque chose. Et puis pour le côté peut-être un peu plus anecdotique localement, mais qui nous concerne à l'international, ils ont annoncé que quelques-unes de ces terres seraient attribuées aux internationaux. Voilà, ils ont dit, en fait, apprendre à cultiver la terre, c'est intéressant, au même titre qu'on va dans une université apprendre des choses. Hein. Ils ne le dénigrent pas, ils disent pas c'est mieux, ils disent au même titre. Donc, voilà, si on ne sait pas cultiver la terre, on peut venir. Ils ont dit, si vous ne savez pas faire, vous pouvez venir, hein, on vous apprendra. Et si vous savez faire, vous pouvez venir aussi. Voilà, je sais pas à quel moment ces terres seront vraiment organisées, désignées, si ce sera le cas l'été prochain ou pas. Reste à voir comment ça sera appliqué, enfin voilà, mise en place, mais intéressante mais perspective. Cette promesse existe aussi. Complément des bricos. Ben, un grand merci à toi pour ton temps, c'était super, on a fait un beau panorama d'un peu où on en est. Et à bientôt, peut-être plus près de la formation Bricos, pour que tu nous reparles un peu de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos. Nadie va. Nací en la tierra llena de fronteras, nací donde la guerra y dictaduras han dejado secuelas, nací donde las termoeléctricas y empresas extranjeras se han robado la tierra, nací donde 500 años asesinaron a millones de hermanos, somos educados para servir a los que nos han gobernado, nací donde el obrero es esclavo, donde el indígena es abusado, donde un niño deja de estudiar para llevar a su casa un pedazo de pan. Sí. Bajo el puente vive abrigado de un sueño abandonado, de una infancia en el estado que el maldito estado le ha robado. Escucha, escucha, escucha, América está viva y lucha, sube a nacer conmigo hermano, la revolución entra en tus manos. Sufrimos los mismos somos abusados, sufrimos los mismos somos torturados, sufrimos los mismos somos masacrados. No, no te dejes caer, tenemos en el juez la canción, un poema de Benedetti, un abrazo de otra nación. FPP 106.3, c'est la jungle des luttes. On revient maintenant avec un camarade du Mathieu, du collectif 20e solidaire avec tous et toutes les migrantes, qui va venir nous parler un petit peu, ça fait longtemps qu'on voulait en parler dans cette émission, de la loi Darmanin, et donc sur l'immigration. L'année dernière, on en avait un petit peu parlé dans une de nos émissions déjà. Elle était encore dans les cartons et elle n'était pas encore passée devant le Parlement. Est-ce que, Mathieu, tu veux revenir un petit peu sur toutes les étapes qu'a suivi cette loi et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, maintenant qu'elle est passée, notamment avec passée par l'extrême droite, où on a bien vu que le macronisme servait vraiment de marchepied, finalement, et pas de barrage à l'extrême droite, en laissant passer plein de leurs propositions, plein de digues ont sauté, et donc depuis le Conseil constitutionnel est passé par là également, et on ressort cette loi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et sur le terrain, quels en sont un peu les premiers effets qu'on observe ? Cette loi, pour être très bref, Nous, au niveau du collectif 20e Solidaire, avec tous les migrants, toutes les migrantes, on participe avec d'autres nombreux collectifs à la marche des solidarités, avec également de nombreux collectifs de sans-papiers. Et là, là où en est cette loi, elle en est exactement là où on l'a dénoncée pendant de longs mois, avant même qu'elle soit durcie par le Sénat, avant même qu'elle soit durcie par l'extrême droite et les partis fascistes. C'est-à-dire que c'était déjà un projet de loi raciste, un projet de loi qui était déjà, qui avait déjà pour ambition de rendre la vie impossible aux migrants, aux migrantes. C'est ce que Darmanin a martelé pendant des mois de août 2021, en réalité, jusqu'à ce qu'elle soit votée en janvier 2024. Parce que ce projet de loi, il a eu toutes ces étapes-là et ce long processus. Parce que véritablement, l'objectif du gouvernement, c'était à la fois de passer un projet de loi raciste et de mener... c'était pas inodin que ce soit une loi, quoi. Ils voulaient qu'il y ait le débat public qui est associé à une loi, qui est l'adhésion publique associée à cette loi. C'est pour ça que, contrairement aux fois précédentes, notamment le moment où est passée la circulaire Valls, il n'y a pas eu toute cette volonté du gouvernement d'avoir le débat publiquement, de constamment ramener que toute la société voulait ce projet de loi. Et effectivement, le projet de loi tel que proposé par Darmanin, il a eu, sur les dernières semaines de son parcours législatif, il est passé au Sénat où il a été énormément durci. Et c'est à ce moment-là où effectivement on a senti qu'il y avait encore un cap qui était franchi et là où il y a eu l'alerte générale et où on a senti que des millions de personnes dans ce pays sentaient que quelque chose se passait, c'est effectivement quand il y a eu le vote à l'Assemblée et notamment le vote unanime du Rassemblement National, quoi, qui a montré à ce moment-là que le projet de loi était hyper dangereux avec la confirmation de ce que à ce moment-là les partis fascistes ont développé pendant des années, la préférence nationale, le retrait du droit du sol, le renforcement de la double peine, tout ça effectivement dans les derniers jours, c'est après le passage au Sénat, ça a été présent dans le projet de loi et une partie de ce qui a été rajouté a été retiré au moment du Conseil constitutionnel. Et effectivement, bah, comme tu dis, c'est là où on voit que Macron est un marchepied aux fascistes, mais également, il les légitimise. Parce qu'en fait, tout ça, ça a quand même eu pour effet de légitimer le Rassemblement National dans le débat, de légitimer les positions des racistes et des fascistes sur l'immigration dans le débat public. Mais il y a eu, c'était le 25 janvier, je crois, au Conseil constitutionnel, il y a eu effectivement quelques articles de cette loi qui ont été, je n'ai pas le terme exact, retoqués, en tout cas retirés, quoi. Voilà, censurés. Maintenant, il faut noter qu'ils ont souvent été censurés pour des questions pratiques et non de fond. Clairement, donc le projet de loi, c'est le projet de loi qui est passé, c'est un projet de loi qui est le pire projet de loi contre l'immigration de ces 40 dernières années. C'est un projet de loi qui, pour faire très simple, parce qu'encore aujourd'hui, on n'a pas encore tous les effets de cette loi qui ont été compris, appréhendés, parce que tout simplement, les effets encore ne sont pas tout à fait visibles et il faut bien se rendre compte, ça va être les effets qu'on va se rendre compte. Mais c'est une loi qui rend plus difficile d'avoir des papiers, qui rend les papiers qu'on a moins bien, ils donnent moins d'accès aux droits, ils sont plus difficiles à garder. Donc voilà, ça rend aussi les papiers plus difficiles à garder dans le temps, plus difficiles à renouveler. Est-ce que c'est parce qu'ils sont soumis au fait de travailler dans certains secteurs ? Est-ce que c'est ça aussi ? Par exemple, mais en fait, il y a tout un ensemble de combinaisons qui rendent tout ça. Et en dernier lieu aussi, qui rend beaucoup plus facile les expulsions. Ouais. Ça, c'est des moins bons papiers, plus difficiles à avoir, plus difficiles à garder, plus difficiles à renouveler et plus facile de se faire expulser. Ça, c'est le fond de la loi qui est passée. Et dans tous ces aspects et sur l'ensemble des populations concernées par les titres de séjour. Pour donner un exemple peut-être qui peut illustrer, jusqu'à maintenant, donc il y avait, je pense, le terme d'OQTF a été notamment dans ces dernières années de plus en plus connu comme l'obligation de quitter le territoire français, qui est délivré par les préfectures aux sans-papiers. Dans des quantités incroyables, qui a notamment fait objet de discussions entre la droite et l'extrême droite sur soi-disant ils ne sont pas assez appliqués, etc. Jusqu'à maintenant, une OQTF, elle durait un an, et pendant cette année-là, une personne sans papier ne pouvait pas déposer de dossier. Mais si au bout de l'année, l'OQTF était suspendu, s'est arrêté, ça n'était plus dans le dossier de la personne. Mmh. Désormais, une personne qui a eu une OQTF, déjà elle va durer 3 ans, l'OQTF. Mmh. Et si au moment de déposer ton dossier, tu n'es pas capable de montrer que tu as respecté l'OQTF, c'est-à-dire que tu es parti du territoire, tu ne peux pas déposer de dossier. Mmh. Et les OQTF, elles sont données pour n'importe quelle raison. J'ai craché par terre, j'ai jeté un chewing-gum, j'ai fait un excès de vitesse, j'ai fait un mauvais dépôt de dossier parce que j'ai oublié une pièce. Elles sont délivrées dans des quantités incroyables. J'ai participé à une manif. Il y a plein de raisons d'avoir des OQTF. Et ça, maintenant, ça va rendre impossible de donner un dossier. Mmh. Un autre point qui est pour l'instant, dont on n'a pas encore non plus tous les effets, c'est ce qu'ils appellent le contrôle à 360 degrés. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, il y a différentes typologies, types de dossiers, pour avoir une carte de séjour par le travail, par la famille, par la présence sur le territoire. Et selon le dossier qu'une personne sans papier voulait déposer, elle choisissait les pièces adéquates, les pièces qui permettaient de justifier ce dossier. Maintenant, ce qui est demandé par la préfecture, alors il parle d'expérimentation, c'est pour ça que je ne sais pas encore, mais c'est contrôle à 360, c'est-à-dire une personne sans papier dépose, donne toutes les pièces qu'elle a, sachant que c'est impossible de savoir, il n'y a pas de limite. Il suffit, n'importe qui a déjà participé à faire un dossier, ne serait-ce que pour accompagner les pièces effectivement demandées, il y a tout un ensemble de pièces pour prouver la présence, la vie, donc, qui sont des pièces, je suis dans tel assaut, je suis en contact avec telle personne. Bref, et là, il faudrait déposer toutes les pièces, et c'est la préfecture qui va évaluer sur la base des pièces présentes quel type de séjour elle te donne. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on pressent, c'est que évidemment, ça va être au type de séjour le moins 10 ans, le moins bon, celui qui protège le moins. Mm-hmm. Donc, quand c'est possible, par exemple, ce qui vient de passer, comme les types de séjour métiers en tension. Mm-hmm. Et s'il faut rajouter quelques éléments aussi pour se rendre compte, maintenant, les métiers en tension en région parisienne, pour prendre un exemple, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le nettoiement, il n'y a pas la cuisine. Il n'y a pas l'aide à domicile, qui sont des métiers en région parisienne où 80% des travailleurs sont des personnes immigrées. Mm-hmm. Donc qui très certainement ont leur carte de séjour à travers ce travail-là. Et donc là, elles ne sont pas du tout concernées par ça, donc on ne sait pas déjà ce qui va devenir. On sait que la circulaire va se perdure, mais avec cette histoire de dossier en 360, on ne sait pas quels pourraient être les effets. Mm-hmm. Et en plus, une personne sans papier ne pourra renouveler un titre de séjour temporaire que 3 fois. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ce qui va être urgent par rapport à ça, et je vais finir là-dessus, c'est ce que disent les collectifs de sans-papiers, les collectifs de la marche de solidarité, c'est en premier lieu organiser des réseaux de défense. Comment on empêche cette loi de s'appliquer ? Comment on s'organise de sorte que dans les quartiers, les lieux de travail, les écoles, on soit en capacité, s'il y a une personne sans papier qui est menacée d'expulsion, qui est menacée de se faire retirer son titre de séjour, de l'accompagner juridiquement, de l'accompagner physiquement, d'être là quand il y a les flics qui interviennent. Un réseau de défense avec au cœur de ça, évidemment, il sera impossible d'activer ces réseaux de défense si les collectifs de sans papier ne sont pas renforcés, ne sont pas au cœur de ces réseaux. Deuxième truc, privilégier, développer, renforcer par tous les moyens les luttes collectives pour la régularisation. Si les régularisations individuelles sont impossibles, ça rend les régularisations collectives d'autant plus importantes. Donc renforcer toutes les mobilisations, les grèves qui vont permettre d'obtenir la régularisation collective et massive. Et en troisième lieu, se battre contre le fond politique qui a permis tout ça. C'est se battre contre le racisme, c'est se battre contre la montée du fascisme. Et c'est pour ça notamment qu'une des premières actions qu'on fait, c'est organiser la manif du 23 mars à 14h à Bastille contre le racisme et le fascisme à l'occasion de la journée internationale contre le racisme. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, si ça te va, on va enchaîner et on fera la petite pause musicale après. Oui. Mais je voulais revenir aussi, un des grands aspects aussi sur lesquels vous vous battez, ou du moins vous soutenez les luttes des personnes sans papier, c'est aussi la question de l'hébergement. Et là, on voyait dernièrement qu'il y avait cette lutte-là des jeunes mineurs isolés, initialement, qui étaient dans le parc de Belleville. Dernièrement, ils occupaient le 104. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce collectif, comment il s'est constitué, un petit peu les dernières actualités de ces mobilisations et les demandes, les suites de cette lutte-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je les ai rencontrés en tant que militant antiraciste, habitant du 20e arrondissement. C'est comme ça que j'ai rencontré les mineurs isolés de ce collectif. Et je peux dire une chose, évidemment, je vais en parler comme... comme un soutien, un militant antiraciste qui s'organise avec eux. Je pense que le plus important, c'est que bientôt, je crois qu'ils viennent dans l'émission de Yves RESF le mercredi, ce mercredi, en parler eux-mêmes. J'espère que ils pourront revenir aussi en parler, parce que vraiment, ils sont très impressionnants, ces mineurs isolés de ce collectif. Et ce que je peux dire avant de raconter un peu leur histoire, c'est déjà, moi je trouve, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est donner un espoir incroyable. Et vraiment un truc où pendant des mois, les habitants du 20e arrondissement qui se sont engagés contre la loi Darmanin, grâce à tout ce qu'ont fait ces jeunes, à tout ce qu'ont permis ces jeunes, ont réussi à lever la tête, ont eu un espoir, quoi. Et que ce qu'ils démontrent, c'est que, et ils le démontrent dans ce que tout le monde disait être le contexte le plus difficile, c'est-à-dire des mineurs isolés à la rue, ils démontrent que quand une lutte s'organise, avec au cœur de cette lutte, celles et ceux qui y sont directement concernés, et qu'autour de ces collectifs-là s'organisent des réseaux de solidarité, et qu'ensemble, cette lutte est menée au quotidien, en discutant ensemble, en élaborant ensemble, en agissant ensemble, avec l'attention de tous et de toutes, que celles et ceux concernés soient au cœur de ça, ça ouvre des portes incroyables. Quand ces jeunes ont commencé à s'organiser, quand on les a rencontrés il y a plusieurs mois, on n'aurait jamais imaginé possible encore qu'ils puissent occuper le 104, et pourtant aujourd'hui c'est ce qu'ils font. Mmh. Et franchement, s'il y a un truc à retenir, c'est comment dans les prochains jours, les prochaines semaines, toutes celles et ceux qui peuvent les renforcer, les accompagner dans ce qu'ils vont organiser, et partout où c'est possible, faire ce qu'ils ont fait, en tout cas encourager ce qu'ils ont fait, quoi. Mmh. Ces mineurs isolés, donc c'est... on les a, comme tu l'as dit, ils ont récemment occupé le 104, tout simplement parce que ils sont la majorité d'entre eux en recours de minorité, ce qui signifie que l'État ne leur doit rien. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont arrivés sur le territoire français, et pour que justement l'État se dédouane d'eux, ils leur font immédiatement passer des tests qui, par tous les moyens possibles, vont être négatifs. Ça, c'est le retour que nous disent tous les jeunes. Ils ont beau en discuter entre eux. Parfois, un argument est utilisé dans un sens. Parfois, c'est le contraire de cet argument qui est utilisé dans le même sens. Mais tout ce qui les amène au refus de minorité est utilisé par l'État, tout simplement, parce qu'une fois qu'ils ont ça, ils sont à la rue. Ils n'ont rien. Parce que normalement, la reconnaissance de la minorité, ça engage l'État, et ils sont obligés normalement de les héberger. Exactement, les héberger. Voilà, ils ont des droits... Et là, ça fait qu'ils peuvent s'en dédouaner. Exactement. Les droits, c'est l'école, l'hébergement, la santé, un accompagnement. Ça devient des enfants de la société, dans lesquels justement on considère que si leurs parents ne sont pas là, la société doit s'en occuper. Mmh. Et ça, c'est ce que l'État leur refuse dès les premiers jours qu'ils arrivent en France. Et ils se retrouvent suite à ce refus à la rue. Mmh. Et donc là, ils s'organisent depuis à peu près le mois de septembre. En fait, ils avaient commencé à ce moment-là dans le parc de Belleville, dans le 20e arrondissement, qui était un des quelques lieux dans Paris dans lequel la préfecture tolérait qu'ils viennent dormir. Mmh. Et on les a rencontrés comme ça, en organisant des réunions, des discussions avec eux, en leur disant dès le début, ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêts à faire, ce que vous voulez faire, c'est comment eux élaborent les choses, et que nous, à partir de ce qu'ils sont prêts à faire, on est prêt à s'organiser. Et au fur et à mesure des mois, il y a eu plusieurs moments marquants. Moi, je pense que l'un des moments les plus incroyables, c'est quand ces jeunes, en fait, il y a quelques semaines, ils ont occupé la maison du climat. C'est-à-dire que le collectif des mineurs isolés, qui maintenant a plusieurs mois, donc dans ce collectif, il y a des jeunes reconnus maintenant, il y a des jeunes hébergés grâce aux actions du collectif, qui, au fur et à mesure de ses occupations de différentes natures, a ouvert 600 logements, 600 places dans des écoles, dans des gymnases qui ont été ouverts par la mairie suite à des actions qui étaient soit un lieu d'occupation comme au 104, comme à la maison du climat, comme à la maison de l'air au début dans le 20e arrondissement, mais également des actions pendant les vœux du 20e arrondissement, pendant des après-midi durant lesquels Hidalgo à l'hôtel de ville faisait des après-midi sur le thème de l'immigration, pour se féliciter. Et les jeunes sont venus pour perturber le débat, et la pression mise à ces occasions fait qu'ils ont eu plein de lieux hébergés, quoi. Et moi, la maison du climat, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que ce jour-là, ils avaient prévu un rassemblement devant l'hôtel de ville pour commencer à mettre la pression et pour dire à l'hôtel de ville, on est là. Faut qu'on est là, on a besoin d'hébergement, qu'est-ce que vous faites ? Et pendant qu'ils étaient là, ils ont appris que la préfecture virait les camps sur lesquels certains d'entre eux étaient, à Pont-de-Sully, Pont-Marie. Et dès qu'ils ont vu ça, les jeunes qui étaient sur ces ponts se sont réunis, se sont mis à part, ils sont revenus ensuite vers le rassemblement, ils ont dit bon, vu ce qui se passe, nous on peut pas retourner là, on a décidé qu'on retournait pas là-bas, parce que là-bas on servira à rien, par contre faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. Et ce qui a été décidé, c'est on est rentré dans le bâtiment qui était face à nous, littéralement face au rassemblement, parce que l'hôtel de ville avait refusé qu'on soit devant l'hôtel de ville, donc on était devant la maison du climat, qui est l'ancienne mairie du 4e. On est rentré, on a occupé, et à partir de là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que la mairie a accepté de rencontrer les jeunes. Et là, ce mercredi, il y a une nouvelle délégation des mineurs, et ils ont montré ce jour-là qu'ils se laissaient pas faire. Incroyable, incroyable, des mineurs isolés. La préf, on a viré combien des camps? Et cette fois-ci, il y a une réaction des mineurs directe. Et le soir même, ils obtenaient 160 logements. Et bon, il y a un truc incroyable qui se passe avec ces jeunes. Et là, par exemple, demain, ils seront dans la manifestation de la fonction publique. Ils vont faire un cortège avec des profs et des travailleurs sociaux. Mercredi, ils vont rencontrer la mairie de Paris. C'est-à-dire, par leurs actions, ils ont contraint la mairie à les reconnaître de telle sorte qu'il y a une rencontre officielle. Et samedi, ils seront à la manifestation contre le racisme et contre le fascisme. Ils se mobilisent de plus en plus autour d'eux. Il y a des réseaux de profs, des réseaux de travailleurs sociaux. Ils sont en lien avec les collectifs. Ils sont en train de construire quelque chose d'incroyable, en train de donner un espoir, je pense, énorme de toutes celles et ceux qui ont envie aujourd'hui de se battre contre les expulsions, contre le fait qu'on laisse des gens à la rue pour rien. Eux, c'est tout cet espoir-là aussi qui soulève. Et franchement, ils sont impressionnants, quoi. Ouais, c'est trop fort. Bah, merci beaucoup pour ce partage et force à LE, à eux. Et puis bah, rendez-vous demain et puis samedi également à la manif du 23. Donc rappelle-nous l'heure et le lieu. Ce sera à 14h, place de la Bastille, et on ira marcher en direction du Panthéon pour dire que justement, il n'y a pas que Manoukian qui est un héros immigré contre le racisme et le fascisme. Il y a tous les camarades des collectifs de sans-papiers, tous les camarades mineurs isolés, tous les tirailleurs d'IRED d'aujourd'hui qui sont aussi nos héros et héroïnes. Et un grand merci. Pause musicale. Salut, c'est FPP 106.3, la radio de la, c'est l'émission de la jungle des luttes, l'émission du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai un peu changé de voix. Je ne suis pas Chloé, en fait, c'est Pascal. Et je voulais juste présenter la suite du programme. Donc, il y a eu la manifestation du réseau d'entraide, vérité et justice contre les violences policières samedi dernier, donc avant-hier. Et donc, c'est une manifestation que fait le réseau tous les ans pour lutter contre les violences policières. C'est un réseau donc, qui va être présenté dans la suite du programme par les prises de parole qui ont eu lieu à la manifestation. Donc, on va passer trois prises de parole. La première, c'est celle qui présente le réseau. Une deuxième qui présente un collectif de solidarité internationale, le collectif Paris Ayotzinapa, qui va aussi présenter sa lutte. Et enfin, la prise de parole de Fatou Dieng, la sœur de Lamine Dieng, qui a été assassinée par la police il y a 17 ans et qui est une des personnes très actives dans ce réseau, qui est là donc pour soutenir les familles des victimes de violences policières. Voilà, donc on va lancer le réseau d'entraide Vérité et Justice. Merci d'être là aujourd'hui. On va commencer par une prise de parole du réseau. Le réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc nos combats ne datent pas d'hier. Depuis de nombreuses années, la police et la gendarmerie française blessent, mutilent, violent, tuent des personnes et des populations qui ne correspondent pas à l'ordre établi en raison de leur classe sociale, de leur couleur de peau, de leur religion et de leur orientation sexuelle ou qui contestent cet ordre établi par leurs idées politiques, leur révolte, leur mode de vie. C'est la continuité d'une police coloniale, puis post-coloniale, qui tue, comme lors du massacre des tirailleurs sénégalais en 1944 à Tcharoï, qui demandait à être payé, ou le massacre du 14 février 52 contre des grévistes guadeloupéens, ou encore lors du massacre du 17 octobre 61 à Paris, contre les Algériens qui dénonçaient les violences policières. Et revendiquer l'indépendance de l'Algérie, ou celui du 2 février 1962, lors de la manifestation contre l'OAS. Les années 60 sont marquées par des crimes racistes et des violences policières mortelles visant les travailleurs immigrés et la forte répression de mai-juin 1968. C'est à cette période qu'apparaissent les premiers comités Vérité et Justice, où les proches de victimes de violences policières, des voisins, des collègues, des militants, militantes et des intellectuels s'organisent pour mener un combat juridique et politique. Ils réalisent des enquêtes populaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les contre-enquêtes. Il y a par exemple des comités Vérité et Justice pour Jean-Pierre Thévanien, créé après la mort de cet ouvrier soudeur dans le commissariat de Chambéry, le 15 décembre 1968, où le comité pour la vérité dans la mort de Mohamed Diab, un ouvrier algérien de 40 ans, tué le 29 novembre 1972 par un policier dans un commissariat de Versailles, qui lui a tiré dessus avec un pistolet mitrailleur. Depuis les années 70, les révoltes dans les quartiers populaires, suite à des crimes racistes et sécuritaires, se succèdent. Et des habitants et habitantes, des militants militantes s'organisent dans ces quartiers en association ou en comité Vérité et Justice. En 1983, il et elle marchent ensemble pour l'égalité des droits et contre le racisme. La même année est créée l'association des familles de victimes des crimes racistes et sécuritaires. Elle met en place les actions que nous menons encore aujourd'hui. La solidarité morale et financière avec les familles, l'accompagnement dans les affaires judiciaires, la réalisation des contre-enquêtes, être présent dans les tribunaux, créer nos propres relais de diffusion de l'information, autonome l'organisation de marches. En 2010, plusieurs comités Vérité et Justice se rassemblent et créent le collectif Vivolé, afin de rompre l'isolement et pour porter leur lutte. Ce collectif répond à l'appel du collectif opposé à la brutalité policière de Montréal, lancé pour faire du 15 mars la journée internationale contre la brutalité policière, et Vivolé et d'autres comités de victimes organisent la marche contre les violences policières le 15 mars 2011 à Paris et à Bordeaux, portée par le collectif contre les abus policiers. Depuis cette date est le rendez-vous annuel des familles de victimes et des survivants survivantes de violences policières et pénitentiaires en France. En 2014, d'autres familles de victimes crée urgence notre police assassine. Ces dernières années, les blessés et mutilés par les armes de la police et de la gendarmerie, matraques, tasers, flashball, lanceurs de balles de défense, grenades, ont augmenté aussi. Les armes développées dans les quartiers populaires dans les années 90 touchent de plus en plus de personnes dans les manifestations ou lors de rassemblements festifs, avec une criminalisation de toute protestation. En 2014, après la mort de Rémi Fraisse, plusieurs blessés créent l'Assemblée des blessés. Depuis, la répression s'est renforcée pendant le mouvement contre la loi Travail en 2016, puis pendant les Gilets jaunes en 2018, suite auquel est créé le collectif des mutilés pour l'exemple. Au fil des luttes, des procès, des rencontres, des victimes et proches de victimes se créent des liens et créent en 2021 le réseau d'entraide Vérité et Justice, qui appelle à la marche d'aujourd'hui dans plusieurs villes, comme à Rennes, Bordeaux, Toulouse. Ce réseau est constitué d'une trentaine de familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, des familles qui ont perdu un proche tué en prison, ou suite à des disparitions forcées et de personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre. Ce réseau appelle à lutter ensemble contre les violences policières, des gendarmes et des matons. La réalité de ces violences policières, c'est aussi celle de l'impunité punitière et d'une justice complice. D'après le journal Basta, sur 213 interventions policières létales de 1977 à 2020, dont les suites judiciaires sont connues, il n'y a aucun procès dans 67% de ces affaires. Sur 213 affaires, 39% sont classées sans suite et 28% se terminent par un non-lieu. Aussi, sur 32 éborgnés, 6 mains arrachées et un pied pendant les Gilets jaunes, il n'y a eu qu'un seul procès et aucune condamnation de policiers ou victimes. Et les familles de victimes dénoncent la lenteur judiciaire et l'impunité punitière avec l'évitement de l'enquête, les faux et usage de faux en écriture publique, le refus d'accéder aux preuves et à leur falsification et destruction, et le refus d'entendre les témoins, la difficulté d'obtenir systématiquement une reconstitution réelle des faits sur les lieux du crime ou de la violence. La criminalisation des victimes et de l'intimidation. Depuis des années, et encore aujourd'hui, nous dénonçons cette impunité policière. Nous dénonçons un système qui cherche à nous habituer aux violences, aux crimes et au racisme d'État, à les justifier, à les banaliser et à les faire accepter, l'idée que le port d'un uniforme autorise à être armé, à torturer, à blesser, à mutiler, à violer et à tuer. Comme lors de la marche pour l'égalité en 83, de la mobilisation des personnes qui n'ont pas les bons papiers de l'église Saint-Bernard en 96, ou lors des révoltes des mouvements des Gilets jaunes, construisons ensemble cette solidarité contre l'injustice et l'impunité en exigeant vérité, justice et réparation pour toutes les victimes d'hier à aujourd'hui, des meurtres, des brutalités policières, carcérales, psychiatriques et judiciaires. Solidarité et soutien au peuple opprimé à travers le monde. Toute vie est une vie, ni oubli, ni pardon. Et nous disons stop aux violations des droits humains, à l'impunité et au déni de justice. Stop aux violences et crimes d'État. Stop au racisme systémique, au fascisme, à la xénophobie, au génocide, au massacre, au nettoyage ethnique, à l'esclavagisme moderne, à la négrophobie, à l'islamophobie, aux discriminations. Stop au néocolonialisme, à l'impérialisme, au capitalisme, au pillage, à la militarisation, pardon. Stop à la gérance colonialiste et au discours fascisant patriarcat. Solidarité et soutien aux révoltés du monde entier. Soutien et solidarité aux peuples opprimés à travers le monde. Solidarité et soutien aux mères protectrices et à toutes les victimes. La solidarité est notre arme. Organisons-nous et renforçons-la au-delà des frontières. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. Hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien que quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailátelo, toutes et à tous. Donc, on est le collectif Paris Ayotzinapa, on fait partie du réseau d'entraide Vérité Justice. Et il y a maintenant presque 10 ans que les 43 étudiants de l'école rurale d'Ayotzinapa ont été victimes d'une disparition forcée. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, dans l'état du Guerrero, au Mexique, c'est là où on cultive presque toute l'héroïne dans le monde, c'est le deuxième producteur après l'Afghanistan. Ils ont fait l'objet d'une opération de répression de la part de tous les niveaux de police, donc la police municipale, la police de l'état de Guerrero et la police fédérale et aussi l'armée. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils se trouvent. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et c'est ça le plus dur. Cette incertitude, cette attente infernale est une des pires injustices perpétrées par l'État mexicain et touche les proches de plus de 100 000 victimes de disparitions forcées jusqu'à aujourd'hui au Mexique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage à la lutte acharnée des familles et des victimes de violences policières, pénitentiaires et judiciaires en France, qui, dans un contexte de montée de l'extrême droite et face à une impunité systémique, continuent à se battre pour que justice soit faite et pour protéger la vie, la liberté et la dignité des générations futures. Si nous avons appris quelque chose après ces 10 ans de lutte au Mexique et ici en France, c'est que la mémoire et les réseaux d'entraide sont nos meilleures armes face aux états capitalistes qui mutilent, torturent et tuent. C'est pour cela qu'il est important de commémorer tous ces vies volées, d'en faire des graines qui semeront les révoltes de demain. Il ne faut rien attendre de la classe politique ni des États. Au Mexique, en 2018, un nouveau gouvernement, soi-disant de gauche, a promis de faire la lumière sur l'affaire. Rien n'a vraiment changé, si ce n'est la militarisation encore plus accentuée du pays. Contre les États et leur violence, notre mobilisation et notre solidarité d'en bas et à gauche. Nous vous invitons à vous joindre à nous le 28 septembre prochain pour commémorer les 10 ans de la disparition pour ces étudiants lors d'une soirée de soutien aux familles des disparus. Ces familles mexicaines, comme les familles d'ici, ne sont pas seules. Nous ne lâcherons rien, ni pardon, ni oubli pour les violents États. Pas de justice ! Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faites, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leur dédain et leur sourire, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère, des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère. Les petites gens, les baïonnés, les sans-voix, nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits de Gaza, de Honé ou de Tunis, on crie pour exiger justice. Una noche fría, todo arderá. Se comete una injusticia no solamente en América sino en el mundo entero. Me rehuso al iluso confuso, puso a la prensa que inventa que una orquesta de vándalos anda dando ofrendas cuando la violencia comienza. ¿En qué maneja los acordes de la presidencia? La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Grita justicia, grita justicia. Cada vez que se Injonction, silence, paroles confisquées. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes. Leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier. C'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et non, espace de liberté rétrécisse. Un climat répressif, les lois se durcissent. Violence policière, perquise arbitraire. Justice à deux vitesses, l'étau se resserre sur, bien sûr, les fragiles et les précaires. Sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais. Il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. FPP 106.3, c'est toujours la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et on arrive à la fin de notre programme aujourd'hui. On voulait finir par quelques annonces des actualités des luttes pour la semaine et surtout le week-end. On vous a annoncé déjà la manif du 23 mars, là, de ce samedi, avec la marche des solidarités. Mais on voulait aussi vous annoncer et vous inciter à venir au salon anticolonial et antiraciste qui va avoir lieu le 23 et 24 mars prochain, ce week-end, à La Parole Errante. À Montreuil. Et on voulait aussi vous dire que vous informer du fait que le samedi, il y aura la présentation d'une BD qui porte sur le voyage pour la vie, voilà, qui a été fait avec plein de témoignages de plein de collectifs qui ont rencontré les apatistes en 2021. Voilà, venez nombreuses pour découvrir cette BD qui, donc, ça sera donc ce samedi, pareil, à la librairie Michel Firk. Autre annonce potentielle, c'est celle d'avril, sûrement que notre prochaine émission en parlera, mais c'est la journée des prisonniers politiques le 17 avril prochain. Voilà, ce sera sûrement l'occasion de reparler un peu des différents prisonniers politiques du Mexique et d'ailleurs dans notre prochaine émission. Voilà, une belle soirée, une belle journée à tout le monde et à la prochaine, au mois prochain. Bye.